Bonsoir. C'est la fin d'une époque. Ça sent les choses qui se répètent et qui débloquent. Le vent souffle toujours, mais la mer est malade et le climat d'humeur maussade. C'est la fin d'une époque. Ça sent la lutte perdue d'avance, la dernière danse. Une valse qui boite et qui se casse la gueule, qui crache au ciel et qui s'engueule. Je sais, faut pas baisser les armes, je sais, faut pas baisser sa garde. Ceux qui disent le nous, on s'en fout, même si c'est dur, vivre debout. Et on y arrivera, tu verras, on ira gueuler sur les toits. Et s'il faut tout refaire chaque soir, on prend chaque verre, on a l'espoir. Mais ce n'est pas la fin d'une époque, c'est le début d'une autre. Non, ce n'est pas la fin d'une époque, c'est le début d'une autre. Non, ce n'est pas la fin d'une époque, c'est le début d'une autre. Non, ce n'est pas la fin d'une époque, c'est le début d'une autre. Et cette époque sera la nôtre. Bonsoir, messieurs, dames. Suisse Caméa pour vous servir. Groupe de plusieurs chansons de plus.